Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture. Dokken avec cet album Back for the Attack qui nous ramène à l'année 1987. C'est ce superbe album sur lequel les parties de guitare de George Lynch font absolument mouche. On a là vraiment la crème de la crème du guitar hero des années 80, pas mal de classiques. Dream Warriors, l'instrumental, Mr. Scary, Heaven Sent également. Et je recommande particulièrement l'album live Beast from the East qui était paru sur cette tournée, donc un ou deux ans après un live au Japon. Bien entendu, dans Overdrive, ce soir on aura de la nouveauté, de la bonne musique comme d'habitude, de quelques vieilleries et puis une annonce concert du côté de Saint-Étienne. Donc restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair, pour écouter de la musique qui pulse, comme dirait Gérard. Et on va débuter avec Accept, qui nous revient avec son dernier album. Ça s'appelle Humanoid. On retrouve là un Accept tout simplement maintenant mené par le guitariste Wolf Hoffmann, qui n'a pas perdu de sa maîtrise instrumentale, même si on regrette maintenant que l'apport des autres musiciens ne soit pas aussi présent. Humanoid par Accept. Le groupe sera du côté du Transborder de Lyon le 28 octobre prochain. We'll be right back. pièce Accept avec Humanoid sur cet album qui paraîtra dans quelques mois. Le groupe allemand sera du côté du Transborder de Lyon le 28 octobre prochain. Réservez dès à présent votre soirée. Bon, bien sûr, on peut regretter le fait qu'il n'y ait plus maintenant Peter Baltes ni plus aucun autre ancien membre du groupe. Peter Baltes joue maintenant avec Udo Dirkschneider. Donc, on a plus d'anciens membres de Accept dans Udo que dans Accept tout court. Faites votre choix. En tout cas, on a deux bons groupes. C'est le plus important. Bruce Dickinson nous revient aujourd'hui même avec son dernier album, The Mandrake Project. Donc là, un gros projet pour ce volubile chanteur de Iron Maiden qui n'en finit pas d'avoir plein d'idées et de projets différents, que ce qu'ils soient musicaux ou non. Bruce Dickinson nous sort ce concept musique qui sera également agrémenté d'une BD. Bref, il y a tout un concept, une prod moderne. Il a travaillé bien sûr avec Roy Z, fidèle au poste, qui a su tout simplement aiguiller pendant de nombreuses années Bruce Dickinson en solo, avec bien sûr la guitare et également les compositions et la production. On s'envoie ça tout de suite avec Afterglow of Ragnarok, tout de suite par Bruce Dickinson. Vous écoutez toujours Overdrive Radio. its knees. Vengeful it waits, far and beneath. Forced to endure evil that leaves. Hopeful we wait, helpful it needs. Grateful the day all is revealed. Hordes wait with horns o'er mountains and seas. Faithful to fire, leather and leaves. Scars of the old memories lead. Breathe the birdman's wheeling mercy. Glistening on the blade with screaming steel. It calls my name. It's death by immortal awaits. Take no prisoners. Our undying faith, everlasting life, long after decease. We'll honor the crowns of maidens and priests. Above and below, of heaven and hell, the king and the god were under their spell. Divers defenders, forever they reign. Hallowed be thy name. Breathe the bird man's wheeling foresee. Glistening on the blade with screaming steel. Unfurl your wings with life. Venez d'entendre Durbin de James Durbin qu'on a vu au sein de American Idol, l'équivalent de la nouvelle star ou je ne sais pas quel autre télécrochet américain. Donc cette personne qui s'est fait connaître bien sûr au sein de cette émission de télé a bien sûr toujours crié son amour pour le métal. D'ailleurs sur le American Idol, il a d'ailleurs repris You've Got Another Thing Coming de Judas Priest avec Judas Priest eux-mêmes. À noter également qu'un autre chanteur a bien sûr percé dans le monde du métal et maintenant dans Skid Row, c'est Eric Grönwall qu'on a vu au sein de Swedish Idol, là aussi, avant qu'il rentre dans le groupe HIT. Voilà. En tout cas, ce James Durbin, il nous sort cet album Screaming Steel et il nous chante son amour pour le métal sur cet album paru sur Frontiers Records. On va passer à quelque chose de beaucoup plus français maintenant avec le groupe Persona Non Grata qui nous sort cet album, cet titre sur MNO Music, album éponyme, ce sera le morceau Divine, pour un son assez alternatif, tout de même gros, métal, mais une influence assez 90s présente. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est quasiment 22h. ces chaînes qui me tiennent loin de toi. Mais comment briser toutes ces chaînes qui me tiennent loin de toi? Oui, comment briser toutes ces chaînes et nous affranchir de tout ça? Mais comment briser toutes ces chaînes qui te retiennent loin de moi? Mais comment briser toutes ces chaînes avant qu'il nous reste la haine? Il coule dans nos veines tant d'horizons si différents. Elle coule dans nos veines, l'amour et la haine. Et nous, que sommes-nous finalement? Deux étrangers si différents. Persona non grata, très sympa avec ce divine extrait de ce titre éponyme paru sur MNO Music. Un retour maintenant sur cet album paru en 2019, il me semble. On a là un très beau, même 2020, on a un très beau coffret de Doro Pesch qui reprend l'album culte de Warlock en intégralité, Triumph and Agony. Live, on a donc un format assez spécial puisqu'on a à la fois un digipack Blu-ray et cassette audio. Donc pour tous les amateurs, même les plus old school, I Rule the Ruins. Donc on retrouve uniquement l'album de Warlock interprété en intégralité, qui se termine bien sûr par l'hymne du Wacken, All We Are, qu'on ne va pas passer ce soir. J'ai pas décidé de passer un morceau peut-être un pas obscur, mais un peu moins, on va dire, convenu que ce All We Are. Ce sera I Rule the Ruins. The song is called I Rule the Ruins. Let me see your hands. Let me hear you. Yeah. Yes, vous venez d'entendre le groupe français Nemedian Chronicles avec son premier album. Ça s'appelle Savage Swords tout de suite. Et bah, c'est ce qu'on appelle la New Wave of True Heavy Metal. Des groupes comme Eternal Champion ont amené ce style de heavy metal très classique, mais qui a une prod qui se veut assez organique et non pas, on va dire, plastique ou alors très retouchée comme certaines personnes pourraient le reprocher à certains groupes. Donc on a là quelque chose d'absolument authentique et qui transpire la sincérité, et on a un très chouette album de True Heavy Metal. On va continuer tout de suite avec les joyeux drills de Dragon Force qui nous sortent leur dernier album au mois de mars, et tout de suite on s'envoie le morceau Astro Warrior Anthem tout de suite sur Overdrive Radio Dio. Il est 22h passé de 15 minutes. About to blow, escape this city. Our planet under siege. Unleash the Necron fleet. Stop to the set to go. Now blast into the great unknown. Into the great unknown. Battlefield, the fast and die. A force of energy lights. every age comes to an end. Yes, voilà pour les amateurs de power metal pur et dur avec Dragon Force, Astro Warrior, Anthem. Le 15 mars prochain, vous retrouverez le groupe Mass Hysteria du côté du Fil de Saint-Étienne. Voilà, pour leur Overdrive, Radio Dio vous font gagner des places. Un petit coup de fil au 04 77 25 05 94. 04 77 25 05 94. Dès que la musique commence pour en rafler une, ça va aller vite. Dépêchez-vous. 04 77 25 05 94 pour des places pour Mass Hysteria. L'occasion pour nous de renvoyer un morceau extrait de Tenace Partout paru au mois d'octobre avec l'air bien. Les loups, pas les agneaux, niveau colère dans la chair. Yes, encore une fois, Mass Hysteria, des places à gagner au 0477 25 05 94. Ce sera le 15 mars prochain du côté du Fil de Saint-Etienne avec Code Altes. On continue dans Overdrive avec Ministry. Le père Jorgensen nous revient plus vénère que jamais avec son dernier méfait. Lui qu'on pensait tout simplement, un peu comme Ozzy Osbourne, vraiment arrêté depuis de nombreuses années, il revient et il est toujours aussi inspiré, comme il le propose sur Opium for the Masses, qui voit le jour sur Nuclear Blast, avec ce morceau qui ouvre l'album, et toujours ces samples, ce son caractéristique de Ministry. So what was once forbidden becomes fringe, and what was fringe becomes mainstream. This is a nightmare. It comes down to controlling women's bodies. It's the birth rates. Let me give you a hint. I'm not just the vagina. Voilà pour le groupe Ministry, Opium for the Masses, Artillery. Maintenant, nous revient avec un album live enregistré au festival de Copenhague au Danemark. Artillery, un groupe de thrash des années 80 qui n'a pas vraiment connu un énorme succès, mais dont, on va dire, la combativité et le fait de toujours être sur place plus de 30 ans après force bien entendu le respect. On va penser également au batteur qui officie sur cet album live, qui malheureusement est décédé l'année dernière dans un accident de voiture. Voilà, Artillery tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec Turn Up the Rage tout de suite, et c'est sorti sur Mighty Music. Here's a song for you guys, it's called Turn Up the Rage! Hey, hey! Bad, bad, bad tears from hell, burning every single dream that he can breathe. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, b so powerful. One look and I drown in it. As charming as deadly, subject to the will of my body. In an impulse, a broken oath, for pleasure super suffering. Yes, excellent que ce Terrafosa qu'on vient d'entendre maintenant dans Overdrive Radio Duo avec cet album Inferno pour ce groupe français qui se réclame de différentes influences assez modernes. On pense un petit peu au côté très rythmique de Meshuggah, même si les voix ne sont pas du tout dans cet ordre-là. Les voix aussi entre Alice in Chains et Ghost, qui peut paraître quand même une certaine forme de grand écart. Et puis une très bonne production, un très bon sens mélodique et de l'écriture également. Terrafosa Lost, extrait de cet album Inferno. Maintenant, on va passer à un hommage, à plutôt un retour en arrière avec The Somber Lane de Dissection, premier album du groupe culte de dark metal, suédois. Tristement emmené par le peu recommandable Job Not Vit. Ce sera The Somber Lane tout de suite pour un disque qui a été, c'est noté sur la pochette, débuté d'enregistrer le 1er mars 1993, il y a tout juste 30 ans. Ce sera The Somber Lane tout de suite par Dissection. Drive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. On se quitte sur le son de Cigar Box Band qui nous sort ce 7 titres Don't Belong, sur lequel on retrouve le morceau Don't You Believe, sur lequel on retrouve des Cigar Box, des Lap Steel, bref, un côté très blues rock. Vraiment très très sympa. Voilà, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-dio et également le www.radiodio.org pour retrouver toutes les nouvelles de la radio en général. Merci, ciao, bye bye.